Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Vous devez être Michael Blomqvist, l'homme qui va réaliser la chronique familiale. Je suis Martin Wanger. Bienvenue à Eidestadt. Maître Globan, Lisbeth Zalander, vous êtes mon nouveau tuteur. Bonjour, Michael. Je suis Henrik Winker. Lisbeth, peux-tu résumer à Maître Frode ce que tu as trouvé sur Michael Blomqvist? Je veux pas être obligé de te faire une pipe chaque fois que j'ai besoin d'argent. Qui te parle d'une pipe? Je veux t'engager pour que tu trouves l'ordure qui a tué ma petite nièce. Il me faudrait une sorte d'assistant de recherche. J'ai la personne qu'il te faut. Je veux que tu m'aides à identifier un meurtrier. J'ai quand même une condition, que je ne te retrouve plus dans mon ordinateur, c'est d'accord? C'est d'accord. J'avais 16 ans. C'était la première fois que j'avais une femme pour moi. C'est moi qui l'ai étranglée. Mon père m'a tout appris. J'aime baiser avec toi. Je veux qu'on soit amis. J'aurai désormais le contrôle sur ta vie. Maître Burman, je crois que votre vie à partir de maintenant va changer. J'avais jamais collaboré avec un enquêteur aussi compétent. D'accord, je sais que tu es une foutue aqueuse, mais tu obtiens des résultats. Elle m'a sauvé la vie, elle a sauvé Millennium et elle a coulé Wennerström. Je te préviens, j'ai jamais mis les pieds à Eidestadt. Je ne veux figurer dans aucun rapport de police. J'existe pas dans cette histoire. Tu crois qu'elle est amoureuse? Je crois surtout qu'elle cache de lourds secrets. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu découvrais un beau jour que ton père était un tueur en série? Je massacrerais cette ordure. Premier épisode. Supérieure à 2, d'être écrit comme la somme de 2 puissances en 2. J'ai une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette marge est trop étroite comme la somme de 2 cubes. J'ai une démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette marge est trop étroite comme la puissance supérieure à 2, d'être écrit comme la démonstration véritablement merveilleuse de cette proposition que cette marge est trop étroite. Maître Bioman. Qui êtes-vous? On m'avait dit que je rencontrerais... C'est moi que tu rencontres. On a reçu ta lettre. C'est quoi ton problème? Lisbeth Zalander. Pourquoi t'as besoin de nous ? Tout seul, je peux rien faire. Elle me tient par les couilles. C'est ton problème, Bioman. Faux ! C'est aussi le vôtre. Je connais son dossier par cœur. Je sais qu'elle a été internée en HP quand elle était môme. Et je sais pourquoi. Tu veux qu'on fasse le job pour toi ? Il faut m'aider. Celui à qui j'ai écrit veut sa peau, lui aussi, non ? Faut qu'on en discute. Cette salope a détruit ma vie, qu'elle crève. On te rappellera. Michael, je croyais que t'avais arrêté de fumer. Moi, je suis temporaire. C'est toujours ce qu'on dit. Ça te gêne ? Je me suis promis de ne plus coucher avec des hommes qui sentent le tabac. Comment on va faire maintenant ? Je sais pas, Erika. Je vais chercher des filles qui aiment bien l'odeur de la cigarette. Comme notre stagiaire ? Bah, parlons-en. Elle s'est amenée chez moi hier soir à 10h30 avec une bouteille sous le bras. Plains-toi. Elle a 17 ans. J'ai pas envie d'avoir affaire à la justice. J'ai eu mon compte avec Wennerström. Qui a fait de toi une star, ne l'oublie pas. Justement. J'ai jamais eu autant de rumeurs sur moi, autant de pas les alimenter. Franchement, Erika, cette fille est insupportable. Son intérêt pour le journalisme se limite à l'espoir de passer un jour à la télé. Et je la sens prête à tout pour ça. Alors dis-lui de se calmer, hein. Ok, je vais lui parler. Merci. Toujours aucune nouvelle de Lisbeth Salander ? Non. Toujours rien. Ça va faire un an. Il s'est passé quelque chose ? Tu veux dire, est-ce qu'on s'est engueulé ? Non. Du jour au lendemain, elle n'a plus voulu me voir. Encore une victime de ton pouvoir de séduction. Ça m'étonnerait. Je l'ai croisée une fois par hasard dans le métro. Son regard est passé sur moi comme si j'étais invisible. Mais c'est bien ce que je dis. Elle est amoureuse. Je pense qu'elle est partie à l'étranger. Je passe chez elle de temps en temps. Sa boîte aux lettres est pleine à craquer. Ah, tu passes chez elle ? Toi aussi, t'es mordu. Sans elle, je serais mort. Pendu dans la cave de Martin Wanger. Et cette ordure continuerait d'assassiner des filles. Bon, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Dax Svensson. Qui ? Dax Svensson. Un type qui veut nous vendre une enquête sur laquelle il travaille depuis un bon moment. C'est peut-être un bon sujet pour notre prochain hors-série. Sur quoi ? Tu verras. Il est comment ? Jeune, freelance, ambitieux, plutôt beau mec. Je te présenterai à la prochaine conférence de rédaction. À plus tard. Supérieure au premier. Je suis contente que vous soyez venue. Il y a plusieurs valeurs aux inconnues. Ces valeurs sont appelées ainsi. Je ne savais pas si vous aviez reçu ma lettre. J'étais en voyage pour plusieurs mois. Je viens de rentrer à Stockholm. Ça n'a pas dû être facile d'apprendre que votre mère était morte en votre absence. À 43 ans... C'est si jeune. Tenez, voici ses affaires. C'est vraiment peu de choses. Après 10 ans passés ici, votre mère n'a pas eu de chance dans la vie. Les hommes lui ont fait beaucoup de mal. Vous non plus, vous n'avez pas eu de chance. C'est triste, une mère qui ne reconnaît plus sa fille. J'ai fait avec. Et votre jumelle, Camilla ? Vous savez comment la joindre ? Non. Essayez quand même de la prévenir. Bon, je dois vous laisser. Vous êtes revenu à Stockholm pour travailler ? En ce moment, j'aménage mon nouvel appartement. Au revoir, Lisbeth. Je ne pense pas qu'on se reverra. Je pense pas, non. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma mère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allez, installons-nous, on a déjà pris du retard. Je vous présente Dag Svensson. Bonjour. Bonjour. Salut. Dag est venu me voir il y a quelques jours pour me proposer une enquête extrêmement intéressante et qui pourrait faire beaucoup de bruit. Un article ? Non, je veux faire un numéro entier de Millennium. C'est quoi le sujet ? Dag, on t'écoute. Ça parle du trafic de femmes. Ou plutôt de l'exploitation sexuelle des femmes. Ici, en Suède. J'écris un livre là-dessus. Comme je sais que vous avez aussi une activité d'éditeur, j'ai contacté Erika. Pour le moment, on a juste publié un livre sur Wennerström. Juste. C'était le livre du siècle. Et puis à l'avenir, j'aimerais bien qu'on en publie 3 ou 4 par an, des enquêtes approfondies sur des sujets sensibles, comme ça, par exemple. Ah, c'est vrai que là, il y aurait matière. Tu peux nous en dire plus, Dag ? Ma copine est étudiante en criminologie. Elle s'appelle Mia Bergman. Depuis 5 ans, elle écrit une thèse sur le trafic d'êtres humains. En fait, mon livre est une version grand public de son travail. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Sa thèse se concentre sur les filles, et moi j'ai plutôt axé mon enquête sur les fournisseurs et sur les clients. Et c'est quoi l'idée principale ? La Suède voudrait se faire passer pour un pays irréprochable en matière de prostitution, alors que c'est le plus gros consommateur de prostituées par habitant, essentiellement des filles de l'Est. La prostitution a toujours existé, non ? Oui, mais aujourd'hui le trafic est totalement contrôlé par des mafias. Les filles vivent en enfer. C'est de l'esclavagisme pur et simple. Et concernant les clients, j'ai découvert des choses très intéressantes. Je peux prouver, par exemple, qu'un fonctionnaire du ministère de la Justice qui a travaillé à la rédaction d'une loi contre la prostitution s'est offert au moins 2 filles, dont une qui avait 15 ans. J'ai le même genre d'infos sur 3 flics, dont un travaille à la brigade des mœurs, sur 5 avocats, un procureur, un juge et 3 journalistes aussi. J'ai bien intention de balancer des noms. Bon, attention, j'ai fait 3 mois de prison pour une source mal vérifiée, moi. Non, mes sources sont en béton. Regardez. La plupart des proxénètes sont des petits malfrats abrutis qu'on pourrait arrêter facilement. Regarde. Mais tout le monde s'en fout. Ces filles ne sont que de la marchandise. Tout en bas de l'échelle sociale. Sans existence juridique et sans intérêt pour la société. C'est dingue. 99% des crimes liés au commerce sexuel ne sont même pas signalés à la police. Ouais, donc ça pourrait durer encore longtemps. Ouais, l'opinion trouve que la justice coûte déjà assez cher aux contribuables. Pourquoi elle se mobiliserait pour des putes de Riga ? C'est dégueulasse. Alors, vous êtes partant ? Oui. Moi, ça me plaît. Moi aussi. Et vous ? Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Bon. Dag, Millennium a pas mal d'ennemis qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'on se plante. Donc si on publie, il faut vraiment qu'on soit irréprochable. Je te mets Michael sur le dos, il va pas te lâcher. Je voyais pas les choses autrement. Très bien. Ton salaire maintenant, on n'est pas très riche, mais on peut te proposer un contrat de 4 mois. Et puis pour les recettes du livre, on fait 50-50 une fois les frais payés. Ça me va. Bienvenue à Millennium, Dag. Merci. On va étoffer le numéro avec d'autres articles. Hein. Michael, je voudrais que tu écrives un papier sur les finances de la prostitution. D'accord. Henri, tu me fais une interview de Mia, la compagne de Dag. Un portrait, hein, tu vois, ce qu'elle fait, okay, qui d'accord. Elle est. Et Christer, on aura besoin de photos. Ok, ça marche. Je pense qu'il faudrait aussi interviewer quelques flics. Ah oui. Il y en a qui font un excellent travail. Parfait. Bon, le numéro de mai portera sur la prostitution en Suède. Allez, au travail. Ok. Bien. Salander. Salut Mimi. Je te croyais morte. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a plusieurs réponses à cette question. Dis-en une pour voir. Savoir si t'es toujours célibataire et si t'aimerais l'accompagner cette nuit. T'es incroyable. Tu disparais pendant plus d'1 an et tu débarques en me demandant si j'ai envie de baiser. Je peux me casser si tu veux. Entre. Je vais déjà t'offrir un café. T'es fâchée? Tu sais, des fois, j'ai besoin de prendre le large et je dis pas au revoir. Je me suis inquiétée. Tu ne répondais plus au téléphone et je savais pas qui appeler pour avoir des nouvelles. J'étais super occupée. Je bossais sur un gros truc. T'es vraiment une drôle de fille. Tu parles jamais de toi. Je sais même pas ce que tu fais comme boulot. Toi aussi, t'es spéciale, non? T'aimais bien faire l'amour avec moi, mais je t'intéressais pas plus que ça. Tu préfères la vie en solo. Touchée. C'est marrant. Je trouve que t'as changé. T'as l'air plus âgée, plus mûre. T'as changé de look. Mais t'avais quelque chose dans ton soutien-gorge. Je me suis fait faire les seins. Quoi? Je me suis fait poser des implants en Italie. C'est pour ça que j'ai disparu. Après j'ai voyagé. Tu t'es fait faire des seins? Bah quoi, les nichons, c'est bien ce qui te plaît, non? Lisbeth, je t'adore. Alors, je vais draguer ailleurs ou t'es partante? Ce soir, je voulais travailler. Mais je ne pourrais pas tant que je n'aurais pas vu ces nouveaux seins. C'est bien que tu sois revenue. Tiens, le géoblon. Ferme la porte, ça caille. J'aime pas que tu m'appelles comme ça, Lundin. Tu veux que je t'appelle Gros du Bide? Si ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu fous ici? On est sur un coup. 3 kilos de méthamphétamine. Ok, comme d'hab. Je les coule et on fait 50-50? Comme d'hab. C'est cool de bosser avec toi. Tu réclames jamais ta part tout de suite, et tu t'énerves pas. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu envie de t'arnaquer. Tu peux livrer quand? C'est livré. Je m'en occupe. Il y a autre chose. On voudrait t'engager pour un boulot un peu spécial. Spécial comment? Elle s'appelle Lisbeth Salander. Elle habite dans Lundagatan, à Stockholm. Je t'ai apporté une photo. Fais voir. Putain. Pas terrible, hein. On s'en fout. Elle est peut-être à l'étranger en ce moment, mais elle va bien finir par ramener sa fraise. Et là, on déboule et on te la livre sous cellophane. Mon commanditaire voudrait lui parler en tête à tête. Tu nous la ramènes en bon état. Ok. Dans un coin tranquille. Ton hangar près d'Ungern fera l'affaire. Pas de problème. Après, elle doit disparaître sans laisser de traces. Prévois quelqu'un pour nettoyer derrière. J'ai tout ce qu'il faut. Je surveille son appartement, je te dirai quand elle sera là. Combien? 10 patates, c'est pas un boulot compliqué. Tu montes à Stockholm, tu la récupères et tu me la livres. Ok. Le café est servi. J'adore tes nouveaux seins. On sent rien toucher, c'est bluffant. Et toi, t'es toujours aussi musclé? 3 entraînements par semaine. Karaté, c'est comme un shoot. Tu devrais essayer. Je boxe toujours. Une fois tous les 2 mois pour pouvoir tabasser tous les connards qui t'emmerdent, ça suffit pas. T'inquiète. Même avec mon 1m50 et mes 42 kilos, je peux faire très mal. T'es avec quelqu'un en ce moment? Plus ou moins. C'est un peu compliqué. C'est bon. T'as pas besoin de m'expliquer. Ça me dérange pas. Je suis avec une femme mariée, voilà. Plus âgée que moi. On se voit en cachette de son mari. Je pourrais revenir quand même te voir. T'as intérêt? T'es pas vraiment lesbienne, toi. Je sais pas qui je suis. T'aimes le sexe? Mais tu t'en fous de qui t'as dans ton lit et quand... Ça dirait de reprendre mon appart? Comment ça? J'ai déménagé. Il est vide. Ça dirait d'y habiter? Je suis très bien ici. T'habites dans une boîte à chaussures. Peut-être. Elle est dans mes moyens. T'auras rien à payer. Même pas les charges. Y habiter gratos? Tu plaisantes? Il me sert à rien cet appart. C'est quand même con. T'auras plus de place qu'ici. Et je pourrais y rester combien de temps? Autant que tu veux. Alors, ça t'intéresse? Tu m'étonnes. Il y a juste un truc. Officiellement, ce sera toujours mon appart. Faudra que tu récupères mon courrier et que tu me dises s'il y a quelque chose d'intéressant. D'accord. Et toi, t'habites où maintenant? Je te dirai ça plus tard. Ben merci. Tu sais, t'es la première personne avec qui je parle depuis que je suis revenue. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Premier épisode avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Alain Rimoux, Niels Burman, Jochen Hegele, Ronald Niedermann, Marie Payen, Erika Berger, Mathieu Létuvé, Dax Venson, Pauline Moulin, Malou Eriksson, Geoffroy Guerrier, Henri Cortès, David Nathanson, Christer Malm, Léonie Pinjot, Myriam Wu, Steve Tienche, Maggie Lundin. Et les voix d'Elisa Calma et de Neta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.